ici c'est la zone. J'ai passé ma life. Le con des questions, tu lui dis t'inquiète, on prône la life. Fais fumer féro, j'ai pas le temps boulé. J'ai trop la pâte, j'étais à la pâte, je me suis saoulé. C'est la guine, la roulette, arrête de jouer. T'as fait une boulette, c'était un beau survêt, tu l'as trouvé. J'fais pas de prouesse, y'a que Dieu que j'ai loué. On fait des promesses, on est tous des hommes, on va pas jouer. On m'a dit d'attendre, mais je suis pas patient. J'ai appelé hier et crois que c'est ma femme, mais c'est un passe-temps. Tu payes pas tes dettes, en plus tu cavales. Tu devais des sous, t'as pas remboursé, ils t'ont fait du sale. Appelle, y'a le frère au baromètre. C'est quoi, je connais pas la sonnette. J'ai cendré, j'ai niqué la canette. Arrête-toi, je prends un jabanette. Appelle, y'a le frère au baromètre. C'est quoi, je connais pas la sonnette. J'ai cendré, j'ai niqué la canette. Arrête-toi, je prends un jabanette. Appelle, y'a le frère au baromètre. C'est quoi, je connais pas la sonnette. J'ai cendré, j'ai niqué la canette. Arrête-toi, je prends un jabanette. Appelle, y'a le frère au baromètre. C'est quoi, je connais pas la sonnette. J'ai cendré, j'ai niqué la canette. Arrête-toi, je prends un jabanette. Il y avait de la bande drogue, ça l'a zingué à la lame ou la gueule. On écoutait du son, B.I.G. et Snoop Dogg. On rappait, on était six dans la piole. C'était un premier roi, on jouait à la console. Et avec le temps, j'ai perdu ma boussole. J'étais coincé au sous-sol, j'ai voulu faire des sous-sols. En gros, dans ma tête, y'avait que le pactole. Ici, c'est la zone. J'ai passé ma life. Le con des questions, tu lui dis t'inquiète, on connaît la life. Ici c'est la zone, j'ai passé ma life. Le con des questions, tu lui dis t'inquiète, on connaît la life. Appelle, y'a le frère au baromètre. C'est quoi, je connais pas la sonnette. J'ai cendré, j'ai niqué la canette. Arrête-toi, je prends un jabanette. Appelle, y'a le frère au baromètre. C'est quoi, je connais pas la sonnette. J'ai cendré, j'ai niqué la canette. Arrête-toi, je prends un jabanette. Appelle, y'a le frère au baromètre. C'est quoi, je connais pas la sonnette. J'ai cendré, j'ai niqué la canette. Arrête-toi, je prends un jabanette. Appelle, y'a le frère au baromètre. C'est quoi, je connais pas la sonnette. J'ai cendré, j'ai niqué la canette. Arrête-toi, je prends un jabanette. Vas-y, fais ta life, que tu me balades. Mais moi, j'ai qu'une life. Fais-moi ma